Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et dans cette nouvelle édition, on va parler jeunesse, engagement et citoyenneté. Mon invité, Dorian Bilcar, que les auditeurs de Radioactive connaissent déjà puisqu'il était déjà venu nous parler de ses livres. Et oui, il est auteur, Dorian. Mais aujourd'hui, c'est sous sa casquette d'étudiant qu'il est avec nous. Dorian est en master d'histoire à l'université de Tours et il participe à l'organisation d'une journée d'études consacrée à la jeunesse, entièrement pensée par des étudiants. Bonjour Dorian. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours ? Vous êtes aujourd'hui en master d'histoire à l'université de Tours. C'est venu comment ? Eh bien, après le bac, j'ai fait une licence d'histoire d'abord, okay. En 3 ans. Là, je suis en dernière année d'histoire, donc en master. Et l'objectif, voilà, c'est de faire de la recherche historique à travers un mémoire. Et je travaille, et ça c'est un petit peu lié, sur les carrières politiques pendant la Révolution française et l'Empire en Indre-et-Loire. Ah ouais, spécifique c'est au très, territoire. C'est très précis, c'est... Oh, il y aura plein de choses à nous raconter du coup quand il sera fait ce mémoire. Vous participez à l'organisation d'une journée d'études universitaires sur la jeunesse. Il s'agit de quoi exactement ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une journée qui est entièrement pensée et organisée par des étudiants. En fait, l'idée, ça va être de réfléchir à une question qui paraît simple, mais qui, en réalité, est assez complexe. Qu'est-ce que la jeunesse ? Et pour y répondre, plusieurs étudiants et puis enseignants-chercheurs vont intervenir et échanger autour de différentes thématiques. Je pense, par exemple, le passage à l'âge adulte, l'éducation, les relations familiales, la place des jeunes dans la société ou encore leur engagement dans la vie politique. Et donc, l'objectif, c'est d'explorer la jeunesse comme un objet d'étude historique et sociale et de montrer que cette notion a beaucoup évolué selon les époques et les sociétés. Comment vous l'avez choisi, ce sujet ? Ça a fait l'objet d'un débat collectif avec la classe du master ? En réalité, ça a fait un peu un consensus. Okay. On s'est tous mis d'accord là-dessus. Et il fallait choisir une thématique suffisamment large pour intéresser l'ensemble de la promotion, mais aussi une thématique nouvelle par rapport aux années précédentes. En 2022, par exemple, la journée d'études portait sur le spectacle et le divertissement de l'Antiquité à l'époque moderne. Et en avril 2023, le thème était « Légitimer la guerre de l'Antiquité à nos jours ». Et donc cette année, voilà, nous avons choisi la jeunesse. Et c'est aussi un sujet très intéressant parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on oublie souvent que c'est une notion qui a une histoire. Par exemple, la manière de définir la jeunesse, l'âge auquel on considère qu'on devient adulte, ou encore la place que la société accorde aux jeunes. Et ça a beaucoup évolué au fil du temps. Et donc, cette journée d'études permet de prendre un peu de recul et de réfléchir à ces questions en croisant les différentes approches historiques. Alors, j'imagine qu'entre étudiants, vous devez évidemment échanger sur les étapes de cette étude. Et est-ce qu'il y a des idées qui se confrontent déjà dans le groupe ? Comme j'ai dit, c'était vraiment un consensus. Ouais, sur le thème global. Sur le thème global, ouais. Mais est-ce qu'après, par exemple, il y en a qui considèrent que la jeunesse, elle est plus comme ci, comme ça, et voilà, est-ce qu'il y a des oppositions en fait ? Un débat interne un petit peu. Oui, exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté, parce qu'on est vraiment dans l'organisation, la préparation, et puis ce stress aussi, parce qu'on a des dates à respecter. Non, on n'a pas vraiment l'occasion d'en discuter comme ça, parce que ça va vraiment être les enseignants-chercheurs qui vont développer leurs réponses. Mais c'est vrai qu'on pourrait, maintenant je le sais, on va en parler, on essaiera de débattre un peu de tout ça entre nous. Donc pour étudier cette question vaste qu'est la jeunesse, vous avez plusieurs thèmes. Et comment vous allez bosser là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, vous pouvez nous faire part, Dorian, de quelques questions liées à différents thèmes ? Je pense par exemple, il y a la parentalité, l'influence de la politique, etc. Alors, c'est-à-dire qu'au début, donc après qu'on ait trouvé ce thème de la jeunesse, on a tous réfléchi un petit peu à ce dont on pouvait parler quand on parle de la jeunesse. Moi, par exemple, j'ai surtout travaillé sur l'aspect un peu plus politique. Mmh. Mais d'autres ont trouvé d'autres choses. Donc oui, la parentalité, l'influence de la politique, la place de la jeunesse dans la société. Et puis, il y avait l'éducation, la fin de la jeunesse, le passage à l'âge adulte. Plein de petits thèmes. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Éducation, parentalité, influence de la politique, jeunesse dans la société et fin de la jeunesse, passage à l'âge adulte. Allez, l'influence de la politique à quelques jours des municipales, c'est intéressant d'avoir ce questionnement. Mais on avait noté, par exemple, on se questionne sur la jeunesse en tant qu'acteur politique. En fait, la jeunesse est-elle un acteur politique ? Et pour ça, on réfléchit, par exemple, aux engagements partisans et militants, les mouvements de jeunesse, les mobilisations collectives, les révoltes, mais aussi l'abstention ou le désengagement. La jeunesse est-elle aussi une catégorie sociale construite par le monde politique ? à travers des discours ou des représentations politiques de la jeunesse. De même, la jeunesse possède-t-elle ses propres lieux ? Ça, on y pense un petit peu moins, mais je trouve ça quand même intéressant. La jeunesse possède-t-elle ses propres lieux de politisation ? Le rôle de l'école et de l'université, des organisations de jeunesse, les associations, syndicats, réseaux militants. Et en fait, oui, c'est un petit peu ambivalent, parce que d'un côté, c'est vrai que la jeunesse peut être vue parfois comme... Il y a des représentations qui reviennent souvent, par exemple. Voilà, c'est ça, les représentations. Est-ce qu'on imagine, par exemple, les plus anciens ? On peut entendre dire, alors attention, ce sont des cohortes bien spécifiques, mais on peut entendre dire que les jeunes, aujourd'hui, sont paresseux, des représentations comme ça. Oui, mais en réalité, ça, c'est pas d'aujourd'hui, en fait, parce que même, je crois bien, dans les années 70, les anciens disaient déjà ça des jeunes, et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que ce sont ces jeunes-là qui disent ça maintenant. Les anciens disaient que oui, la jeunesse ne voulait pas travailler, était un petit peu paresseuse. Finalement, non. Maintenant, il y a beaucoup plus d'études. Peut-être qu'avant, j'ai pas les infos, mais peut-être qu'avant, il y avait moins de parcours universitaires. Évidemment. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas faire, à mon avis, de recherches très approfondies pour voir qu'au niveau de la société, ça a évolué et qu'aujourd'hui, pour accéder à un boulot, c'est plus compliqué. Le marché du travail, ce n'est pas simple, que les études sont de plus en plus longues et c'est intéressant. À l'époque, j'avais envie de dire, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, mais on trouvait peut-être plus facilement du travail que maintenant, en tout cas. Ou alors, peut-être que ça demandait peut-être moins de diplômes. Moi, j'étais pas né, je peux pas le savoir, mais... Mais ça, c'est des questions auxquelles on pourra avoir des éléments de réponse le 14 avril 2026, lorsque vous présenterez cette journée d'études, justement, sur la jeunesse. Ça se passera à l'IUT ? Ça se passera à la Faculté des Tanneurs. D'accord. À Tours. Ok. Ça sera ouvert à tous, entrée libre ? Entrée libre, ouvert à tous. Parce que c'est vrai que le public principal, en réalité, ça va être, oui, les étudiants en master. Master 1, Master 2, et puis pas forcément en histoire, hein, parce que quand on parle de la jeunesse, ça peut être aussi sociologique, hein, je pense. Bien sûr. Il y a la sociologie de jeunesse, mais c'est aussi en accès libre, évidemment, oui. Même pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là, ou qui veulent avoir des réponses de la part d'enseignants-chercheurs qui, eux, ont des réponses beaucoup plus précises, parce que c'est leur discipline, parce que c'est leur expertise. Voilà, je crois qu'il y a 5 intervenants qui viendront, okay. Avec tous des réponses par rapport aux différents thèmes. Donc, vous l'avez évoqué, Dorian, il y a des intervenants qui seront présents. Quel est le profil un petit peu de ces intervenants, puis comment vous les avez choisis ? Alors, ce sont des intervenants qui ont eu une expertise sur les différents sujets. En fait, ils nous ont été aussi recommandés, c'est-à-dire qu'on est passé par d'autres enseignants. On a demandé à des enseignants de venir, et puis parfois, ils ont dit non, parce que c'est pas qu'on vous aime pas, c'est simplement que nous, on sait pas trop, c'est pas trop notre champ. En revanche, je vous recommande de contacter un tel, je vous recommande de contacter un tel. Alors on contacte un tel, et puis parfois ça marche pas non plus, et puis il nous renvoie jusqu'à ce qu'on trouve vraiment les gens qui veulent bien venir. Et puis il faut que ça les intéresse. Et puis qu'ils soient pertinents évidemment dans leur intervention. Oui. Qu'ils soient contents aussi d'être là, pas trop leur imposer, oui venez on fait une journée, il faut qu'ils soient contents et ça leur plaise de partager leur expertise. Et donc, dans ce profil-là, on retrouve des enseignants. Est-ce qu'il y a des assos ? Non, il n'y a pas d'association. D'accord. C'est très académique, en fait. Ok, d'accord. Mais, pour le coup, c'est quand même ouvert à tous, en entrée libre. Donc, le mardi 14 avril, ce sera donc à la fac des Tanneurs. Ah, il y a un buffet à la fin. Ah ben voilà, voilà, le bon argument. Mais pas d'alcool, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a un décret ministériel qui dit non, ça sera que des cigarettes en chocolat et puis ce sera que du champomis. Mais c'est pas grave, ça sera très bien quand même. Oui. Ok. Et avant qu'on se quitte, et pour nous donner encore plus l'envie de venir assister à cette restitution, que j'appelle restitution, mais qui sera l'aboutissement de ce projet, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, les questions orientées sur la parentalité ? Ça va être quoi, justement, les grands questionnements de cette thématique ? En fait, on se questionne sur... y a-t-il des traces de relations affectives entre parents et enfants dans les sources écrites entre la période antique et le 19e siècle ? C'est-à-dire qu'avant les années 60, les études sur la parentalité déclassent un peu le rôle de la mère en marge du rôle du père, qui est plus central. Donc, quel est réellement le rôle de la maternité dans le cercle social de la parentalité ? Parce que dans l'Antiquité, l'enfant est vu comme un être à protéger, à former et qui est soumis à l'autorité du père et aux nécessités de la cité. Alors, on se questionne quel regard portent les sociétés antiques vis-à-vis de l'enfance. Parce que ce qui est intéressant aussi dans cette journée, c'est que c'est vraiment toutes les périodes, en fait. C'est la jeunesse dans l'Antiquité, à l'époque moderne, au Moyen-Âge et aujourd'hui. Parce qu'on pourrait croire que c'est axé que l'époque contemporaine, mais en fait pas du tout. Mmh. Bah, d'où aussi le lien avec le master d'histoire, évidemment. Eh oui, chacun a sa discipline, les quatre grandes périodes historiques. C'est ça, l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Eh ben, en tout cas, ça donne très envie de venir assister à cet après-midi à partir de 13h30 ce 14 avril. C'est ça. Et jusqu'à 17h30 à l'Université de Tours, au Tanner. Eh ben, merci beaucoup Dorian Bilcard d'être venu nous présenter cette initiative étudiante portée par les étudiants, on le rappelle, de l'Université de Tours. Entièrement pensée et organisée par des étudiants. C'est un beau projet. Bah, un projet sur la jeunesse organisé par la jeunesse, c'est plutôt chouette, ouais. On est d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vu comme ça, en effet. Donc une journée d'études consacrée à la jeunesse, comme nous l'aura expliqué Dorian tout au long de cette émission, à son engagement, à sa place dans la société. Un superbe sujet qui nous concerne tous parce qu'on est tous restés très jeunes. Voilà. Super, merci beaucoup Dorian. À très bientôt et puis on souhaite bien du succès à cet après-midi du 14 avril. Eh bien, c'est la fin de ce mag. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.